que la bagarre, tu regardes le bonhomme. Ah ouais, bah ouais, ouais. Les pecs et tout. Non, mais le bonnet, le gilet ouais. prêt à en découdre. C'est ça. Les bagouses et tout. Bah, ouais, presque. Ouais, bah ouais. Bon, c'est des poils, mais presque. Ça fait presque pareil que des bagues. Dans l'idée. Hein. Quoi ? Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Ah, tu fais. Là, je t'en prie, vas-y, fais l'intro. Non, non, vas-y. Ah, bon. Ah bah non, on va rester classique. Ah, d'accord. Hein, on va pas aller partir trop loin, sur un truc trop pro, trop bien. Très bien. Eh bien, bonsoir et bienvenue dans cet épisode 22 de cette saison 2 Merci. De Road to Hellfest. C'est gentil. Déjà un paquet d'épisodes depuis qu'on a commencé. Oh là là, m'en parles-tu pas ? Non, parce que ça, bah non, ça ferait beaucoup à parler. Et bienvenue donc dans notre épisode flashback où on va se repasser plein de petits passages de tous les anciens épisodes. C'est ça. Donc on commence par ton passage préféré de la saison 1, je t'en prie. C'était quand Joe il est arrivé, il a fait hey, comme ça. Ouais, bonsoir tout le monde. Ouais, c'est resté dans les annales. Hein. Ouais, c'est vrai. De Hellfest, bien sûr. Mais on déconne, on va pas. Non, mais. Oh, et au fait, et. Oh, oh là là, mais c'est là, péché. Tac, faut pas. À ta tienne. Vas-y, bois un coup, je bois. C'est pas très radio. Non, physique. C'est pas très. Alors. Bob, comment s'est passée ta petite semaine ? Eh bien, ma foi... L'as-tu rempli de plein de petits pétales de bonheur ? Plus ou moins, on va dire ça. Ah, d'accord. J'ai démonté mon sèche-linge, j'ai changé la courroie. Ça... Ah, tu sais faire ça ? Ouais. Wow. Truc de ouf. Mais t'es un homme... Mais c'est pas la courroie, en fait. Ah, merde. Mais j'ai changé la courroie, quand même. Du coup, elle est neuve. La courroie est neuve. Mais donc, voilà. ça merde toujours. Non, c'est le thermostat chauffe, en fait, qui doit être gris. Alors, faut que je change le thermostat chauffe. Moi. Mais c'est dans tes cordes. Tout à fait. Très bien. Non, parce que ça va faire... La corde de 12, d'ailleurs. Ouais, c'est... Oui, ça, je t'apprécie. C'est la meilleure. Hein, que t'as fait. D'ailleurs, je me disais... Enfin, je m'étais fait une réflexion. Je me disais, tiens, c'est marrant, ça fait deux semaines de suite où Bob, il est vachement occupé le week-end. Ouais, bah c'est ça. C'est fou, parce qu'avant, on communiquait. C'est ça, on faisait des miams ensemble. Des fois, et maintenant, même pas, tu réponds à mes SMS. Des jeux, tout ça. Ah ouais, c'est vrai que là... Il m'a fait un bilan sur 15 SMS, il m'a répondu oui. Non, pour j'ai les dit cas. Ok. Ok, pour les cas. Tu me dis ok, pourquoi ? Voilà. Je suis bas pour tout, ça réunit à peu près tout ce que tu me dis. Donc voilà, voilà à quoi on en est réduit, à des bases de. Mais sinon, okay. T'en es où ? Oui. Voilà, c'est ça, à peu près. Mais 6 mois, sinon dis-moi, parce que 6 mois dis non. Si. 6 mois dis non, moi. Oula, là, tu t'égares là. Un petit peu. N'as-tu pas un erratum à nous faire ? Erratum ? Erratum ? Oui, oh, ça va. Hein. Non, ça va pas. Ça, on sait le dire quand ça va pas, oui, qu'on exactement. Dit des trucs comme ça, mais quand il y a des choses qui sont bien faites, ça, personne. Bah, je pourrais faire un erratum et un coup de gueule aussi. Alors, même temps, très bien, cher monsieur. Eh ben, faites-le, mais moi, je ferai un contre-coup de gueule parce que tout à l'heure, vous avez fait quelque chose de bien avant l'enregistrement de cet épisode et je vous ai dit que vous avez fait quelque chose de bien. C'est vrai ? Oui. C'est gentil. Merci, vous êtes fort aimable. Non, c'est pas ça, mais c'est parce que c'est facile de dire qu'on dit jamais les choses alors qu'on les dit. C'est vrai, mais je parlais pas forcément de toi. Eh ben, erratum, alors. Alors, erratum, Julien, notre ami, oui. est venu voir Jack. C'est moi. Pour lui confirmer exact. La bonne venue de Rise of the North Star. Dans ton cul. C'est ce que... Bah, moi, j'ai ça dans ma... Ah, tu te l'es mis tout seul, ça. Non, je peux pas. Perso, je vais mettre un petit dans ton cul. Non, j'ai très... Bon, fure démoniaque. Non, mais... À cette édition 2018, et oui, au mec. Hellfest, et il passe en main stage. Ouais, sûrement. Bon, oui, ça. Bah c'est plus. C'est pas grave. Ah, super, bah d'accord. Alors moi je précise et toi t'en as rien à secouer. Non, c'est pas ça. Vas-y, c'est bon, ouais, moi je me casse. Il est parti. Je suis tout seul. Non, je déconne. Il est encore là. Donc du coup, je l'ai pas chroniqué cette semaine, hein, vu qu'il va forcément tomber. Je me le suis gardé. Ah bah du coup, oui. Du coup, je l'ai pas pris. Voilà. Bah, ouais. Passons à quelques nouvelles du fest. Le warm-up de Nancy. Au 12 avril, il restait plus que 64 places de disponibles pour la soirée qui est du 20 avril. Je pense que ça va le faire. Imminemment complet. Et combien reste-t-il de places à Vitry-le-François ? Ah ben moi, comme ça, à vue de nez, je dirais à peu près 40. À peu près, ouais, d'accord. Pour la soirée du 21 avril. C'est dingue. Hein. Et pour Rouen, on ne sait pas, mais on n'a toujours pas de nouvelles. Voilà, c'est ça. Et faites gaffe. Pas d'invite non plus. Hein ? Pas d'invite. Non, et faites gaffe parce qu'un truc comme ça, à force de pas nous inviter, eh ben nous, on va pas venir. Ouais, ça c'est le risque. Et on n'en parlera pas. Ils jouent gros, les mecs, ils jouent gros quand même. Là, je pense que vous passez à côté d'un coup de com' méga. méga important. Hein. Bah ouais, ouais. Bah bon. On ne compte plus le nombre de métalleux qui est autour d'une bière. Dis, ah, t'as écouté le dernier Rod 12 Fest? Ouais, mais pas en entier, j'ai écouté l'intro et j'ai arrêté. Il me saoule, ces deux cons. Autre news du festival, le Easy Camp est complet partout, toujours, tout le temps. À savoir qu'il ne restait plus que les cartes de disponibles, vu que les Tipeee avec et sans option sont partis en 1h30. Les cartes, je n'ai pas la date exacte du moment où c'était complet, parce que j'ai été vérifié en fait. J'ai pas vu d'annonce qui disait sold out. Ouais. J'ai été vérifié en cliquant dessus aujourd'hui. Ouais, en voulant en prendre une petite pour moi. Ouais, discretos pour un ami. Ouais, c'est ça. Et donc j'ai vu que c'était déjà complet. Voilà. Une autre news, s'il vous plaît, mon ami. Ed Breed. Bah, c'est la dernière. Oui. Bah, c'est ça. Hein. Tu peux être plus aimable. Là, moi, j'essaye de faire mon boulot, quoi, tranquille, et puis direct. Hein, moi, c'est vrai que je suis un peu ton patte, quoi, coup de batte de baseball. Je sais pas ce que j'ai, je sais pas ce que j'ai. Ouais, c'est ça, t'es fini. C'est pas à toi de payer pour mes problèmes perso. Non, je crois pas. Non, je suis désolé. Mais voilà, c'est encore moi qui mets tout prendre. un peu plus, ça serait ta faute. Oui, c'est ça. Ah, oui, c'est ça. Oui, ah, je ne connais pas mon texte. donc, il y a une nouvelle interview sur le site du Hellfest. Elle est d'aujourd'hui. Ouais. Et je l'ai lu. Ouais, parce qu'elle était. Ça se lit bien. Ouais, mais elle était longue, elle était plus longue que les autres. Non, pas, bah, il cause beaucoup. Il cause, hein, cause hein, ça doit être un. Bah, de toute manière, parce qu'en même temps, c'est un confrère. C'est ça. C'est un peu notre. Donc, interview du chanteur de Ed Breed, Jimmy Jasta. Exactement. Parce que je voyais que tu l'avais pas. Donc... Non, je l'ai vu tout à l'heure, mais c'est juste. Et en as-tu retiré des choses intéressantes de cette interview? Oui, comme j'ai bien aimé moi justement cette fameuse question du de plus en plus de groupes de hardcore qui signent sur des labels plus metal. C'est vrai. Et ça, j'en ai retenu voilà. Bah, en l'occurrence, il y a le trio gagnant, Madball, Hatebreed et Terror, ouais. Qui sont d'ailleurs en tournée actuellement. Qui ont signé chez Nuclear Blast. Voilà, les trois. Et que, parce que selon. En fait, la question était un peu orientée pour dire est-ce que le hardcore est devenu un style à la mode et que maintenant, même les labels de musique, métal et tout ça sont intéressés pour les recruter, parce que ça marche de plus en plus. Quoi. Moi, j'ai de mon côté retenu plus le côté que c'était la tournée des 20 ans du premier album et que donc il jouait cet album en entier. Ouais. Et donc, y a de grandes chances qu'il le fasse également au Hellfest. Donc, Si je ne me trompe pas, et j'ai retenu aussi, c'est qu'il jouait qu'un morceau en concert du nouvel album. Ouais, du dernier. Du dernier album. Du dernier, parce que le nouveau sortira. Voilà. Et que nouveau. Là, où Hellfest, il risque de. Ouais, d'en rajouter peut-être. De rajouter un ou deux morceaux du nouvel album. Ouais, que j'ai failli faire une connerie, j'ai failli confondre avec Madball qui avait sorti un album. Peut-être, ils savent pas s'il y aura peut-être une petite surprise aussi sur le. L'intro. Sur l'intro. Ouais, parce qu'ils ont toujours une intro. Depuis un petit moment. Voilà. Par contre, j'ai trouvé un petit peu. Dans la manière d'en parler de Jimmy Jasta, donc j'avais l'impression que. Pas qu'il était déçu, mais que ça l'embêtait d'être sur une scène un peu plus petite. Enfin, qu'il. Ouais, il n'a pas vraiment dit ça. Je pense qu'il a dit. Il a constaté, mais. Il a dit que la scène sera plus petite, donc il faudra qu'il s'adapte. Ouais, voilà. Si, grosso merdo, c'est ça, quoi. Ouais, après, moi, d'ailleurs, je ne sais même plus quand est-ce qu'il passe à Ed Breed. Ouais, bonne question. C'est vrai qu'on ne l'a pas noté, ça. C'est pas sérieux, ça. Non, sur ce coup-là, on manque de professionnalisation. Ah là là là là. C'est pas facile, nos métiers tous les jours. Bah non, c'est clair. Du coup, ça sera en Warzone, ça s'est cramé. Bah oui. Et j'ai bien aimé aussi, c'est vrai que comment on appelle ça, les commentaires qu'il a fait sur les autres groupes qui seront à l'affiche de cette année, sur la Warzone. Oui, en disant que c'était. On va bien aimer que Knocked Loose, groupe que j'avais déjà bien aimé, que Turnstile, ils sont très bons dans leur style. Ouais. Bah, que Terror et Madball, qui sont aussi présents, ils enchaînent en fait. Terror, Madball et Hatebreed. Les trois à la suite. Et bah voilà. Donc ils passeront le samedi à 22h55 jusqu'à 23h55 avant Cro-Mag. Donc il y a quand même une bonne scène Warzone. Hein. Ouais. Et le samedi. Get the Shot, Knocked Loose, Turnstile, Modern Life is War, Terror, Madball, Hatebreed, Cro-Mag. Et bim, dans ta gueule. Je pourrais aller faire des trois tours là-bas, moi, c'est impossible. Ouais, je pense aussi, En même temps, j'aime bien la Warzone. Ouais. Voilà, donc c'était les quelques news pour le Hellfest. Hein. Passons aux news metal en général. Ouais, ok. Du nouveau chez Ghost, après plusieurs vidéos. Nous montrant nous montrant la fin des papas éméritus et l'arrivée du cardinal Copia. Une arrivée assez marrante d'ailleurs. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo, Bob. Non, j'ai vu sa gueule. Il y en a eu. En fait, il y a eu plusieurs arrivées. Dans la dernière, il arrive, il a un ghetto blaster sur l'épaule, il la pose à côté, puis il essaye de checker le mec lui répond pas. Non, c'est assez marrant. Ouais. Quelques news du nouvel album sont disponibles, à savoir une date de sortie, le 1er juin, un titre, Prequel, une tracklist et un artwork. Que demander de plus, Bob? Je te le demande. Je sais pas, une petite bière. Ouais, bah vas-y, sers-toi. Ok, chez toi. C'est cool. Je te propose, moi, de mon côté, un nouveau single. Ok, c'est sous gentil. La forme d'un nouveau clip avec le titre Rat. Rat. Il dit ça dans toute la chanson. Ouais. D'ailleurs, tu n'as pas vu le clip, si? Non, j'ai pas vu le clip. Ah bah, trop bien. À un moment donné, il a une doublure où il fait une chorégraphie. Enfin, ça finit en comédie musicale à moitié. D'accord. Alors, je tiens à rappeler que c'était un album assez important pour Ghost parce que suite à tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, c'est un peu devenu le one man band de la polémique. Et que donc forcément, musicalement, ils sont attendus au tournant. Donc ce morceau est un peu dans la continuité du précédent album, c'est-à-dire une espèce de vintage à la mode. C'est un peu comme ça que je désignais le dernier Ghost. D'accord. Et ça sonne un peu comme ancien, mais il y a la patte Ghost. Et je sais pas, je trouve que ça... Enfin, j'aurais aimé avoir... on voit que c'est qu'un connard, le mec, mais non, je trouve que ça marche musicalement. Mais voilà, t'as bien aimé ce que t'as entendu. Ouais, j'ai bien aimé, ouais, j'ai écouté plusieurs fois. La première écoute, j'étais pas forcément à fond dedans, je me suis demandé où ça allait. Mais ouais, non, j'ai bien aimé. Et je trouve que le gars est très très fort, du coup, parce que... En plus, dès le début, la batterie, elle est entraînante, c'est un rythme... Enfin, je sais pas, il y a quelque chose. Ouais. Je sais pas, ouais. Voilà. J'irai écouter ça. Donc, c'est comment ça s'appelle le titre? Rats. Je t'en prie, enchaîne. Ah tiens, on en parlait tout à l'heure. Et oui. Notre très cher confrère de podcast, Jam & Jasta, qui se trouve également être le chanteur du groupe Hatebreed. Tiens, c'est marrant, ça me rappelle quelque chose, comme si on en avait parlé. Il y a peu de temps. Back to the Future. Chroniqué, il y a deux numéros, tout à fait, a enregistré une chanson pour son projet, Jasta, avec Tommy Victor, le guitariste chanteur de Prong. Et oui. C'est ça. Tout à fait. Tu vois ? Voilà. Il en a fait des petites choses. Mais ouais. Jasta était une espèce d'album entre deux où il invite des gens pour venir... C'est sympa. Il est sympa. Boire le café. Tout ça. Exactement. Madball, des copains de Hatebreed. Ouais, non, ouais. Je recommence. Refais-la. Madball sortira son nouvel album For the Cause le 15 juin via Nuclear Blast. Ah, on en a parlé. Ouais, comme à l'accoutumée, le guitariste Matt Anderson a enregistré les parties de guitare mais n'assurera pas son poste en live. C'est triste. Ouais, c'est triste, mais en même temps, si le mec a dit ouais, c'est bon, moi j'en ai marre. Exactement. Ouais, je vous fais de la bonne musique, allez vous éclater sur scène, moi voilà. Je vais boire de la binouze. Eh, mais carrément, il a carrément raison. Voilà. Mec. Après, ça se trouve, il est peut-être pas loin en live, hein. Il est peut-être à côté. Ah, c'est ça. Il ouvre les binouzes. Peut-être. Ouais, qui sait. Je t'en prie, enchaîne, mon ami. Il y a peu, nous parlions de Devil Driver, qui allait sortir un Dix de reprise Country, Outlaws, Till the End, le 6 juin 2018. Un gros mois de juin. Ouais, c'est vrai. C'est aussi ce même mois de juin que le groupe entrera à nouveau en studio pour enregistrer un nouvel album. Desfafara, chanteur leader, annonce que 48 titres, eh ouais, 40. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 7, pas 32, pas 28, pas 66, bah non. Mais 48, 48 sont déjà écrits. Il y aura donc un double album avec une première partie en 2019 et la seconde en 2020 chez Napalm Records. Si on devait faire un petit bilan, en fait, techniquement, 48 titres, pour moi, ça ferait plutôt deux doubles albums. Mais ouais. Mais je suis tatillon. Ouais, c'est ça. Sous les aisselles, je suis tatillon. Ah ouais, carrément. Killwitch Engage, le meilleur groupe de cette affiche 2018, a publié une... T'as bien calculé ton truc, là. Hein. Pas vraiment. Non parce que moi, j'aurais pas dit ça. Bah, je sais, c'est pour ça. C'est bon, a publié une photo via l'Instagram de son chanteur, à savoir Jesse Leach, où l'on pouvait apercevoir également Howard Jones, l'ancien chanteur du groupe, ou plutôt le chanteur intermédiaire, parce qu'il n'a pas fait les premiers albums. Il est arrivé entre deux. Bah, bravo. Et il est parti après. Et chanteur actuel de The Light, The Torch. Et selon la légende de la photo, il serait venu enregistrer quelques passages pour un truc et ça va être épique. Alors, ne fais pas la prochaine news, sinon ça va pas marcher. Ouais. Tu peux faire celle d'après si tu veux. Tu crois? Ouais, mais la semaine dernière, j'annonçais. Bah, bah non. Tu annonçais. Bien sûr. Ouais, c'est ça, parce qu'il aime bien, il se la pète. Moi, je me la raconte avec ses pecs. C'est vrai. Et ses tatouages. Et ses bagouses. La bagarre. Hardcore. Ah, ça, depuis que t'as écouté Ed Breed, c'est bon. Ah ouais, ouais. Don't fight the fight. Ouais, ok. Non, mais vas-y. Il n'y a pas de soucis. Non, mais j'ai boire de la bière. J'ai boire de la bière. C'est ça. Après, je vais me taper après. Bah oui. Vaut mieux. La semaine dernière, il annonçait, hein, notre cher Jack annonçait le nouveau Godsmack, Smake, si vous préférez, pour les anglos, à apparaître le 27 avril, When Legends Rise. Du coup, le groupe en a profité pour sortir le même vendredi 13 avril un nouveau single, When Legends Rise. Ah, c'est, parce que c'est rigolo. C'est le même nom. Ouais, c'est presque éponyme. Au sujet de l'album, le groupe a déclaré que la sortie coïncidait avec les 20 ans du groupe, donc il voulait se mettre une pression supplémentaire sur la qualité des chansons. Spoiler, c'est raté. Allez, oh. Ainsi que l'avenir du groupe que, je cite, va ouvrir un nouveau chapitre avec un nouveau son et un nouveau look. Eh oui, comme quoi tu... On a pris une décision consciente de changer légèrement la donne. On va suffisamment changer les choses. Voilà, ça attend juste... En fait, j'ai noté cette phrase parce qu'elle m'avait fait beaucoup rire. On a pris une décision consciente de changer légèrement la donne. Et là, on va suffisamment changer les choses. Oui. Donc déjà, ça, c'est assez... Il n'y va pas avec parcimonie. Non, voilà. Excuse-moi, donc je t'ai coupé. Mais non, mais vas-y, vas-y. Donc, on va suffisamment changer les choses, maintenir l'intégrité de ce qu'on est, ce qu'on fait et de ce qu'on fait. Mais il semble que, jusqu'à présent, l'écriture se dirige davantage vers quelque chose de plus commercial, plus mainstream. Encore une fois, sans perdre la puissance et les trucs sur lesquels on construit notre héritage. Non, non, c'est faux, c'est juste plus commercial. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, pour le coup, ouais, c'est ouais, pas... De ce qu'on a écouté la dernière fois, ouais. Ce que tu m'as fait écouter la dernière fois, ouais, c'est... Non, mais pourquoi? Et ouais. Alors, autre news de cette semaine, enfin elle n'est pas de cette semaine, mais comme je l'ai vu repopper et que je l'ai même partagé sur la page, nos potes de chez Génome sont en concert cette semaine, ça se passera à Tirepied. Dans le bar Jack & Co, et ce sera avec le groupe It Wasn't Us, groupe de punk rock. C'est donc un bar avec une restauration sur place possible, avec un rougail saucisse à 8€ par personne, les gars, c'est cadeau. Je ne saurais que trop vous conseiller d'y aller, parce que ça doit être une bonne soirée. Bon, après... Faut trouver Tirepied, hein. C'est le trou du cul du monde. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est surtout que c'est à 40 minutes d'ici, quoi. Ouais. C'est plus ça. Je connais Tirepied, je vais passer souvent devant ce bar. Ah ouais, ouais. Est-ce qu'il a l'air... Est-ce que tu es déjà... Comme ça, de gueule, il n'a pas l'air plus que les autres, quoi, mais il n'y a pas de grosse bécane garée devant, ce genre de truc. Du coup, je n'ai pas précisé la date. C'est samedi, samedi 21, je crois. Oui, c'est ça, 21. 16, je crois. C'est 21, c'est le samedi 21. Donc voilà. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à y aller. Nous, on est sûrement en déplacement loin. Si vous n'êtes pas loin. Bah oui, après, si vous êtes loin et que vous aimez faire de la route. C'est ça. En tout cas, on recommande ce groupe, il faut y aller. Voilà. Les gars. Ouais, les gars. Génome représente. À toi, la prochaine. Donc, Rammstein est en studio. Wouhou ! Et c'est via Facebook que la nouvelle est apparue ce week-end. Exactement. Via les photos publiées par le groupe. Le dernier album remontant à 2009. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est une bonne nouvelle pour les fans de Rammstein. Bah oui, oh, c'est toujours une bonne nouvelle que Rammstein rentre en studio. C'est vrai. On n'est jamais déçu. Est-ce qu'il en sort ? Oui, voilà. Eh, ça y est, on a fini les news. Et 18 minutes, mon gars. 18 minutes de news. Bah, d'habitude, on fait une demi-heure. Hein. Ouais. On n'a pas trop rebondi, c'est pour ça. On devrait peut-être l'annoncer avant, ça, justement, le temps que ça prend. Parce que ceux qui n'ont rien à secouer, comme ça, ils passent directement. Mais tu veux qu'on l'annonce comment? On ne sait pas avant. Ah, on l'enregistre avant. Ah, bah, c'est double de boulot, mec. Ah. Comme ça, on a le temps. Donc, ah oui, d'accord, en fait, genre on enregistre plus tard et on place dedans des machins. Voilà. Ça va durer 18 minutes. Eh, bien sûr, bienvenue. Ça va durer 35 minutes. Voilà. Ah, d'accord. Vous voulez telle chronique. Très con. D'accord, très bien. Bon, est-ce que je commencerai-t-il pas? Ben, fais donc. Hésite pas. Hein. Bah tiens, je vais prendre celle-ci, s'il vous plaît. Je t'en ouvre une. Bah, c'est qu'est-ce que je voulais dire. Donc, je commence. Ouais, fais donc. Ah, parce que bon, et nous, on est un peu fatigués, donc on aimerait bien se payer tout ça et aller se coucher. C'est vrai. Ah. On en a marre d'enregistrer ce podcast. Hein. Vous savez pas ce que c'est le boulot que ça représente. On en a enregistré un il y a 5 jours. Hein. Là, on n'a pas eu le temps de tout écouter bien. Moi, j'ai pas eu le temps de tout écouter. Ouais, pardon, vas-y, je suis en colère. Moi. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu as écouté des bonnes choses cette semaine, mon très cher Bob? Hein? Ouais. Moi, j'ai eu quelques surprises. Ah ouais? Ouais. Dis-moi tout. Alors, mon premier groupe de la semaine, Breed Machine, est un groupe de néo-deathcore formé en 2002. Ah ouais? Non, je déconne. J'aurais bien aimé le faire, celui-là. Parce qu'en fait, du coup, je ne l'ai pas trop écouté. Mais le peu que j'ai écouté, je vais, j'aime bien. Ah ouais, d'accord. D'accord. Bon, je ne t'apprends rien si je te dis que Lucifer est dans la tradition chrétienne synonyme du mal. Je n'étais pas au courant. Du royaume de l'enfer et qu'il est le prince des démons. D'accord. Alors dans ce cas, peut-être es-tu plus au courant que Lucifer est aussi le chat de la marâtre dans le Cendrillon de 1950 de Disney. Oui. Ah, ça tu le savais. Ça je le savais. D'accord. Est-ce que tu savais que c'est également un algorithme de cryptographie? Lucifer? Ouais. Non, ça je ne savais pas, je n'étais point au courant, personne ne me l'a dit. Et qu'en est-il? On ne dit jamais rien. Bah non, et qu'en est-il de ces crevettes bioluminescentes? Qui s'appellent Lucifer? Qui s'appellent Lucifer. C'est dingue ça. Tu les avais pas non plus. Hein. Ben non, non, non. Mon petit préféré va à Lucifer, qui est un modèle d'allumette assez ancien, encore dépourvu de soufre. Voilà, ça c'est mon... Ah, ça c'est bien. Celle que tu craques sur un peu n'importe où? Bah, je suis pute. Ouais, c'est cool ça. Voilà. Donc, Lucifer est un groupe de heavy doom metal berlinois formé en 2014 à la suite du split de groupe The Hout. Oui. C'est pas facile à dire, The Hout. Non. Alors, il a été formé par Johanna Sadonis, chanteuse, ex-The Hout, ex-Cryogenix, ex-Dieter, ex-Ferox, ex-Informer, ex-Winterkrieg. Pas mal de... Etc. Elle a pas mal de difficultés à trouver un groupe. Ouais, mais je pense qu'elle a du mal à se poser. Ouais, ouais, je pense que c'est quelqu'un qui a un petit peu... C'est une espèce de Joe, ça. Ouais, c'est ça. Je vois bien Joe avoir 14 groupes. Ouais, ouais, je suis ex de groupe. Ouais, je peux pas. Je suis fatigué. Le reste du groupe est composé par des membres de Cathedral, Angel Witch et Lady Tron. Le premier album, sobrement intitulé Lucifer 1, est sorti en 2015 et apparemment a plutôt bien marché. Ouais, parce que c'est ce que j'ai cru entendre et lire un peu partout. D'accord. Heureusement que j'ai cherché parce qu'on ne me dit jamais rien à moi. Voilà, faut vraiment que je me lise avant de parler. Hein, ouais, c'est vrai. Je sens mes... Ouais. Le groupe a donc fait le tour du monde, enchaîné les tournées, et c'est tout naturellement qu'un second album est en approche pour le 6 juillet prochain. Sobrement intitulé... Lucifer 2. Exactement. Johanna, n'ayant peur de rien, elle a quitté Berlin pour Stockholm. Mais quel foufou. Palais de dingos. Ah là là là là. Et compte un nouveau partenaire d'écriture en la personne de Nicke Andersson, apparemment connu pour quelques groupes, chanteur-guitariste d'Hélicoptère, batteur d'Entombe, guitare-chanteur d'Imperial State, Death Breath, il est batteur encore, et puis bien d'autres groupes. D'accord. Ah, c'est un multi-instrumentiste qui doit s'ennuyer dans la vie. Mm-hmm. Donc, le groupe... Sûrement. Le groupe est un... Donc, Lucifer est un groupe... Super. Donc, le groupe est un pot pourri des années 1970, que ce soit musicalement ou vocalement, voire visuellement, avec ce qui se fait de mieux et de moins bien pour ma part. Ok. La musique du groupe reprend tous les codes des groupes dont il s'inspire, de Black Sabbath, Deep Purple à Blue Oyster Cult, et également Coven, et ça marche. La production ayant pris soin de ne pas rester bloquée dans le passé... Et donc d'avoir un son qui est quand même assez encore moderne, malgré les compos qui sonnent un peu à la sabbate. C'est la bêtise. La voix de Johanna passe très bien, sauf quand justement, elle garde certaines références et se permet quelques envolées lyriques qui, moi, ne m'envolent pas. C'est ouais. Les gens des... qui va avec la musique, mais... Oui, toi, ça te... Moi, ça me saoule, en fait. Ça me fait un peu... Autant je trouve qu'elle chante bien avec la voix, alors qu'on est, toi ni moi, fan de chanteuse, je trouve que ça passe plutôt bien. Ouais. Mais c'est les envolées, je fais « Oh là là !» Et ça me passe pas. Et sur la retenue, quoi. Ah, ouais. D'ailleurs, j'ai marqué, je pense que ça ne gênera personne en dehors de moi, parce que pour le reste, ça fonctionne très bien. Ce n'est ni caricatural, ni trop hommage. Il y a un bon équilibre entre le côté « Voilà ce qu'on aime, écouter, et voilà ce qu'on fait. » Donc, je recommande plus. Parce que même, je pense que tu pourrais apprécier, c'est vraiment sympa. Ça sonne vraiment comme du doom ancien, par contre. Hein. Vraiment, tu sais, c'est pas extra doom où, au bout d'un moment, je pense que tu peux t'évanouir, tu sais, des fois, de la lourdeur de certains trucs de doom. De flipper. Extra doom. Voilà, par exemple. Mais c'est bien musicalement, ça sonne à l'ancien, mais c'est moi, vraiment, juste un petit problème avec les... Ouais, ok, voilà. Faut que je note. Fais plus à ça après. Non, à toi, mon ami. Compte famille. Et, pardon, excuse-moi. Oui, dis-moi tout. J'ai oublié de préciser. Ça passera le dimanche sous la vallée à 11h40 jusqu'à 12h10. Donc une petite demi-heure. C'est le deuxième groupe du matin, après un de tes groupes. Ok. Voilà, excuse-moi de... Non, non, mais écoute. Eh bien moi, j'avais juste le temps de faire ça. Brain Machine. Oh, comme c'est étrange. Alors, par contre, j'avais pas noté qu'il s'est formé en 2002 et tout le tralala, tralala. Bah, je sais pas, moi, d'accord. Non, c'est toi qui avais noté ça. Oui, j'ai marqué ça. Ouais, voilà. Bah, surtout, t'as peut-être oublié quelque chose, non? De quoi? Cocorico? Bah ouais, Cocorico. Bah oui, bah je sais. Cocorico! Bah, j'ai que ça, moi. C'est pas compliqué? Étonnamment. Donc, c'est un groupe de metalcore. Ah, moi, j'ai formé en 2004, moi. Bah écoute, j'ai pas fait une grosse recherche. Ouais, t'as pas fait... Ouais, c'est pareil. Et ils ont 4 albums. Ah non, mais j'ai pas fait de recherche du tout. D'accord. J'ai juste pris une phrase pour te faire suer. Voilà. Ah, pour me faire suer. Parce que j'aime bien quand tu transpires. Oh, oui. Bon, t'as de drôle de mœurs, t'as quand même. Donc, 4 albums et un EP, leur premier album qui est justement éponyme, je crois, si je me trompe pas. Ah, c'est pas mal comme titre, ça, éponyme. Ouais. Ça me fait penser à un album de Deftones. En l'espace de 2 albums, Éveil, Hardcore et Renaissance. Non, c'est White Ponym. Ouais, c'est ça, White Ponym. T'es confond. Brain Machine a su affirmer un style et un son particulier, un métal puissant porté par des rythmiques groovy. Ouais, c'est groove. C'est ça, écrasantes et des vocaux rageurs. Le tout distillé dans une ambiance oppressante, ne laissant pas une seconde de répit à l'auditeur. Ouais. Pour ma part, j'ai commencé l'écoute avec la démo. Cet titre, justement, éponyme, ouais. En me disant je vais prendre depuis le début pour aller jusqu'à la fin. Ouais. Eh ben non. Non. Ah putain, la première. Ah bah les démos. Ah hein, caca. Ouais. Donc j'ai commencé par la démo de cet titre éponyme, et eh bien je me suis arrêté là. Oh. Et puis étant un média, le, le Harry Roselmack du métal, je me suis dit allez, ne t'arrête pas à une première écoute et va-t'en sans écouter le dernier pour voir. Voilà. Et là, j'ai été écouter le dernier. Il y avait deux mondes là. Et là, il y avait un gouffre entre les deux. Quoi. Bah, oui. J'ai halluciné. Je fais putain, mais pourquoi? Et donc, j'ai compris que les mecs se cherchaient au début. Bah, c'est ça. Hein, totalement. Donc voilà. Et oh ma grande surprise, que je fusse surpris. Alors, je me suis dit que certainement ils se cherchaient musicalement. Et peut-être que je pense que ce fut le cas, car mon écoute fut plus intentionnée sur la suite. Ah. Effectivement, ouais, ça tabasse sa maman, tabasse. Comme dirait l'autre. Déjà, dès le deuxième album, ils ont arrêté les conneries. Hein. C'est bon. Ouais, on fait de la vraie musique maintenant. Bah ouais, ce serait pas mal. Ah, mais j'ai pas écouté la démo. Moi, ah là là, mais non, franchement. Et si, mais en même temps, je trouve ça intéressant. Tu vois, ah, non, mais c'est très intéressant. Rappelle-toi, c'est Avenged Sevenfold, quand je t'ai fait écouter le truc, t'as dit c'est pas eux. Oui, c'est vrai, ouais, totalement. Mais voilà, non, je me suis arrêté vraiment sur la première écoute en me disant non, ça c'est pas pour moi du tout, mais alors du tout quoi. Musicalement, c'est au début, ouais. Le premier morceau, ça passe quoi. Tu dis ouais, ok, bon, ça le fait. Pourquoi pas? Ouais, voilà, pourquoi pas. Et puis c'est quand il commence à chanter. Je sais pas s'il chante ou il parle, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est le même chanteur que maintenant? Je ne sais pas. J'ai pas trop calculé le truc. Mais alors non quoi. Par contre, après, oui. Après, oui, franchement, il ouais, n'y a pas de souci. Donc, j'ai oublié de dire, c'est qu'il passe en main stage le samedi de 11h05 à 11h35. Tu avais noté, c'est bien, j'avais pris. Ouais. Donc, voilà. Et, donc, 4 albums, tu as dit. 4 albums, ouais. Ils chantent en français. Ouais. Voilà. Quand tu arrives à entendre. Quand tu arrives à entendre, ouais. Mais tu comprends qu'ils chantent en français. Pour la plupart, ouais. Je pense. Après, je n'ai pas écouté tout non plus. Parce que, bon, C'était court cette semaine pour écouter. Hein. Ouais, J'étais eu un peu plus de mal. Mais ouais, ça tabasse. C'est du metalcore. C'est puissant. Bah, moi, j'ai écouté. En fait, c'est en postant le clip sur la page. J'ai fait. Oh, et j'ai tout de suite trouvé ça super. Bah, super groovy, vraiment, pour le coup. Et, ah ouais, non, c'est pour ça. Ouais, c'est pas mal. Et j'ai vraiment bien accroché. J'ai dit, oh, j'aurais bien aimé écouter. Mais j'ai pas pu approfondir. Approfondi. Voilà. Ouais. Bah, j'essaierai. Quand on aura bientôt fini le tour, on pourra approfondir chacun. Ouais. C'est vrai. Donc, c'est pas mal. Donc, tu recommandes? Ouais, je recommande en plus. Ouais, c'est ouais. Bien ça. Très ouais, bien. Ouais. Donc, je passe à mon deuxième. Ouais. Alors, mon deuxième va passer en Main Stage 1 le vendredi à 13h35 jusqu'à 14h15. D'accord. Une petite quarantaine de minutes. Oui, voilà, après. Voilà. C'est donc, comme ça. Chris Slade est un batteur britannique né le 30 octobre 1946 au Royaume-Uni. Et pas tout jeune. Connu pour être un requin de studio. D'accord. Et pour avoir été membre du groupe de Tom Jones alors qu'il n'avait pas 20 ans. J'ai vu d'un côté qu'il avait démarré à 16 ans. Alors, vu les dates, il en avait 19. Donc j'ai mis qu'il n'avait pas 20 ans. Oui, d'accord. Voilà. De 1965 à 1968 et a joué sur 7 albums. Ensuite, il enchaîne avec Tomorrow en 1970, avec Tom Paxton en 1971. Ça a été un membre de Manfred Mad Heart's Band de 1971 à 1978, avec Terra Nova en 1978, donc à la suite. Après, il est passé avec Kay Olson en 1979, Frankie Miller en 1979, Uriah Heep en 1980, 82 Gary Numan, Daily Nane en 1982, David Gilmour en 1984, avec The Firm en 85 et 86, attention, avec AC/DC, de 90 à 93, avant le retour inopiné de Phil Rudd. Qu'importe Chris, rien ne l'arrête, 2001, il part bosser avec Asia pour deux albums, de 2001 à 2004. Ensuite, il enchaîne avec Bootstock, j'ai pas l'année, mais je vais piffer en 2005, avec Damage Control en 2006, et en 2012, pour célébrer sa carrière longue de 50 années, Chris décide de créer The Chris Slade Timeline et a donc publié un EP, The Chris Slade Timeline Volume 1, en 2014, qui comprend 4 titres. Thunderstruck d'AC/DC, Blinded by the Light et Joybringer de Manfred Mann Earth Band et July Morning de Uriah Heep. Et il a commencé à faire des tournées. 2015, quelques ennuis de justice de Phil Rudd permettent à Chris de reprendre son poste au sein d'AC/DC, place qu'il occupe toujours aujourd'hui. Okay. Donc, je dirais que c'est plutôt un bon batteur. Ses plumeshacks sont plutôt bien en place. Il gère pas mal la charlée. De temps en temps, il n'hésite pas à frapper une cymbale ou deux. Ah ouais ? En tout cas, il est meilleur que moi. Déglingo. Et le bilan de tout ça, c'est que le Hellfest, à défaut d'avoir AC/DC, a au moins signé le batteur. Le mec en live, j'ai regardé sur cette liste, joue 8 chansons d'AC/DC, un solo de batterie et 5 autres titres de ses anciens groupes. Cool. Bah cool pour ceux qui aiment AC/DC, moi j'ai mis que je recommandais plus quoi. Ouais. Bah franchement, autant je respecte la carrière du mec parce qu'il a joué avec tout le monde. Je veux dire, quand il a joué avec Tom Jones, il y a la chanson... C'est lui, il a la batterie derrière ce truc-là. Donc, ouais, je veux dire, il a quand même 50 ans de carrière, c'est pas un bleu, il sait ce qu'il fait. Oui. Après, partir en tournée pour célébrer ça et faire 8 titres d'AC/DC... Donc en fait, tu vois pas AC/DC, tu vois le batteur d'AC/DC actuel avec d'autres musiciens. Ça fait un peu AC/DC du pauvre, je trouve. Tu dis, le Hellfest va pas prendre AC/DC, ils les ont jamais pris. Pour ce côté-là, oui. Tu vois, c'est un peu ce côté-là, en fait. Ouais, non, mais complètement. C'est ça, mais... Je te rejoins. Mais après, le mec fait des tournées comme ça et ça marche, et les gens viennent et ils sont contents. J'ai regardé des vidéos live, les gens sont comme un fou. Ça fait... Les gens sont comme des dingues. C'est AC/DC, ça marche, voilà. Après, donc du coup, j'ai... difficilement pu écouter de choses de ce qu'il a fait. J'ai regardé quelques vidéos YouTube. Ouais, il joue bien de la batterie, quoi. Mais c'est... Oui, voilà, ouais. Le jour où il... En fait, il aurait fait un truc à lui en montant un groupe avec sa propre musique, encore une fois, un peu dans le même ce que je reprochais à Hollywood Vampire, tu vois. Il ferait sa propre musique en disant, bah voilà, je suis un batteur de studio. Maintenant, j'ai essayé de former même un super groupe. C'est ce qu'il a dû faire avec Manfred Mann Earth Band. C'est une espèce de super groupe de l'époque. Ouais. Mais je connais pas les gens qui... Je connais de nom, Manfred Mann. Ouais, d'ailleurs, j'en ai écouté un peu, parce que j'ai quand même voulu écouter ce qu'il avait pu faire sur des albums. Ouais. Je pense que ça te plairait bien. Ouais. Et je pense qu'il aurait eu moyen de faire un super groupe avec des trucs, un peu à la manière de ce que fait... j'ai oublié son nom, le mec dans Son of Apollo, là, l'ancien batteur de Dream Theater, et qui a aussi joué sur Nightmare. Ouais, ouais. Tu vois lequel je parle. Ouais, ouais, mais j'ai pas le nom non plus. Et ben, bon, en tout cas... je vois bien, j'aurais bien vu, tu sais, c'est un batteur, il est capable de faire, il est capable de faire un groupe. Donc c'est pas, donc je comprends pas trop le. Ouais, l'idée, ouais. Bah ouais, célébrer la musique, je comprends. Mike Portnoy. C'est ça. Ouais. Je comprends l'envie de célébrer ça, mais sur 50 ans de morceaux, il retient que 8 morceaux d'AC/DC, et dans les 8 morceaux, c'est pas les 8 de l'album sur lequel il a joué. Hein. Il se fait plaisir, hein. Il y a Ed Way to Hell, il y a tous les grands titres sur lesquels il n'y était pas, lui. Ouais, forcément. Donc tu vois, c'est un peu ça que je. Voilà. Après, ça reste le batteur d'AC/DC, ça reste un très grand musicien et sûrement des gens seront très contents de le voir, mais c'est pas pour moi. Donc je recommande plus pour les 50 ans de carrière et le respect que ça impose. Mmh. C'est tout pour moi, ma gueule. Ok. Et moi, j'enchaîne avec Kanan Down. Juste, alors avant que tu commences, Oui, j'ai dit quoi ça, Jean-Mène, c'est... Avant que tu commences. Ce groupe m'a surpris, je ne m'attendais pas à ça. Quoi, Kane and Down? Ah non, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être totalement autre chose. Alors, Kane and Down, vendredi, Temple, 11h05, 11h35. Voilà. Et ben encore, Cocorico. Hey, Cocorico, voilà. Les gars. Donc, Auvergne-Rhône-Alpes. Putain, j'aurais dû la garder, ça. Occulte Black Metal. Cocorico, les gars. Cocorico, les gars. Ah ouais, balancez ça. Ouais. Ouais. En même temps, là, on peut cette année. Hein. Cocorico, les gars. Ok. Tu me tiens. On l'enregistre après, si tu veux. Ouais, ouais, je... Donc, ils ont trois albums ou EP, je sais pas trop, parce que j'ai noté qu'il y en avait deux de 8 titres et un de 7 titres. Mais en fait, j'arrive jamais à comprendre. On est d'accord que EP, c'est Extended Piste ou Extended ouais. Play. Donc, ça doit être normalement plus grand qu'une démo, mais plus petit qu'un album. Et là, en général, ça fait 6-7 titres. Bah ouais, mais enfin après, tu sais bien, on a des groupes qui en ont 4 et qui durent 45 minutes. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Ça dépend le temps aussi, quoi. Mais là, ouais, je sais pas trop. Après, je pense que c'est des albums. Hein. On peut dire que c'est des albums. Il y en a 2 de 8 titres et 1 de 7 titres. Donc voilà. Donc pour ma part, comme j'aime à le dire, l'écoute de Calendown ne m'a pas transporté. Ah. Dans mon moi le plus profond et le plus sombre, ni fait voyager dans des contrées lointaines, et encore moins ne m'a fait prendre conscience que « Oh putain, j'adore le black metal, merci Canon. » Eh oh, on dirait que tu parles de moi, là. C'est super gênant. On avait dit qu'on se dévoilerait un peu plus. Ah bah oui, mais là, tu sais... Je t'ai dévoilé. Ah oui, moi, je m'étais dévoilé. Non, rien de tout ça. Et vous le saviez, hein, bien, chers auditeurs et auditrices. Donc, qu'est-ce que j'ai des conneries. J'ai encore une fois de plus, je campe encore une fois de plus sur mes positions. L'écoute ne m'a pas déplu pour autant, parce que je n'ai pas retrouvé ce que je n'apprécie pas dans le black metal. Tu n'as pas retrouvé ce que tu n'apprécies pas. Voilà, c'est-à-dire la voix gueularde. Ah, d'accord. C'est français, donc je sais pas si on en parlait l'autre jour, justement, d'accord. On a ce petit côté différent. Différent, d'accord, je sais pas trop précieux. Tu n'as pas apprécié, mais tu n'as pas retrouvé ce que tu n'aimais pas chez le black metal. Voilà, ça, dans le black metal. Oui, ça sonne bizarre. Oui, c'est mais vrai. Si tu recoupes tout, en fait, oui, tu vois que ça colle. D'accord. Voilà. Pour le coup, le son de Canon Down est plutôt propre et les voix ne semblent pas toujours sorties d'outre-tombe. C'est pas. Voilà, le son est bien. C'est clair. Les voix sont... Il y a même des fois, les voix sont pas trop criardes comme dans le black, tu vois, c'est un peu ouais. Plus chanté, donc du coup, ça passe carrément mieux. Mmh. Donc voilà, je leur mettrai sur mon échelle de black metal qui va de 0 à chier et 10. Oh putain, j'adore le black metal. Hey. On sait tous que ce jour n'arrivera jamais, mais non, jamais. Eh bien, je leur donnerai un 6. Oh, ce qui est déjà bien sur ma oui, sur mon échelle, c'est sur bien, mon c'est... échelle de black metal. Ah ouais. Non, j'ai pas trouvé ça dégueulasse. Après, j'ai laissé l'écoute se faire toute seule. Moi, j'ai trouvé ça violent. Moi. C'est violent, ouais. Ouais, ouais. Mais après, voilà, je te dis, j'ai écouté sans dire ouais, voilà. Ça, mais bon, l'écoute s'est faite comme ça, quoi. Ah non, moi, j'ai trouvé ça un peu ouais. Ouais, ça t'a un peu emmené dans un. Ah non, pas là, non. Non, pas du tout. Non, non, pour le coup, justement, en fait, ça serait presque le contre-exemple, moi. Sans être justement dans ton aisselle de 0 à ça, ça m'a pas touché. Ça m'a pas. Ouais. Parce que j'ai trouvé justement trop de violence et trop de colère. C'est occulte. Bah, un peu trop. Ouais. En fait, j'ai senti un peu à la manière de Watten, en fait. Ah. Le côté, tu vois, les mecs trop dedans. Ouais. En fait, peut-être que moi, il faut que ça soit plus. Ça soit diffus dans quelque chose de plus large pour que ça puisse me toucher, alors qu'eux, ils sont un peu trop frontal. Genre, même si c'est pas du black metal trou, comme ce qu'on peut l'entendre et qu'ils amènent leurs pattes à eux, ça reste encore trop dans la violence et les mecs sont en colère, quoi. Ben ouais, c'est ça. Et du coup, t'as l'impression qu'ils sont vraiment trop dedans et. Enfin, moi, je le prends. C'est trop violent. Bah enfin j'ai du mal à ça me touche beaucoup moi. C'est un mec qui écoute du Hatebreed qui dit ça. C'est pas la même violence. C'est violent. Hatebreed, je trouve ça violent cool moi. C'est d'ailleurs un truc que je sais pas si t'avais vu ça en parlant tu parlais de Vatain tout à l'heure. La fameuse photo qu'on a certainement tous vue sur les réseaux sociaux où il fait un salut nazi. Ouais, j'ai pas tout de ça. Le chanteur fait un salut peut-être. Nazi ouais. Je crois que ça doit être en coulisses ou un truc comme ça. Et la photo a tourné, donc la question, ils viennent, je crois, cette année, non ? Ouais, ils viennent, ouais. Ouais. Voilà. Et quand Phil Anselmo le fait, par contre, il y a une polémique pas possible. Mais je suis pas au courant de la photo, moi, j'ai pas vu. Bah, en fait, elle a tourné sur les réseaux sociaux. Mais cette semaine, bah non, ça fait un moment. Ça, ah fait, oui. Ça fait presque un mois, un truc comme ça. Quoi. Un mois, quand même. Mais je sais pas. Mais il n'y a pas de, de. Y a rien, il n'y a pas de communiqué. Comme Phil Anselmo qui fait un salut nazi sur scène. Bah. Et il vient pas au Hellfest parce que voilà, mais elle coule pas, mais... machin, un truc bidouchon. Ouais, non, mais il est pas venu aussi parce qu'il était en train de s'occuper, soi-disant, de s'occuper de lui et tout ça. Oui, enfin, c'était plus principalement qui... pour ce fameux salut nazi. Oui, mais c'est pas le Hellfest qui lui a dit de pas venir. C'est non, lui non, qui non c'est lui qui. Bah, c'est bien ce que j'ai dit. Oui, bah, lui, c'est oui. Lui, il est pas venu. Oui, j'ai dit il est pas venu. Ouais, non, mais voilà, il a décidé de pas venir parce que même, je crois, les membres du groupe. Ouais, mais il y a une différence. Il y a une différence entre. Phil Anselmo qui est plus dans la sphère mainstream musicale que Watten qui en a strictement rien à faire. Et donc c'est excusable. Non, c'est pas ça. C'est que les gens vont forcément être beaucoup moins choqués en disant bah, de toute manière, c'est un mec qui veut trucider des gens. Techniquement, je te rappelle l'interview qui disait que lui, il pouvait pas avoir de vie normale, que pour lui, être dans le black metal, c'était un vrai truc sombre. Oui, non, mais donc c'est pas pour excuser tout ça, bah, c'est juste pour dire que justement, t'es moins surpris quand un mec comme ça fait ça. Oui. Tu te dis juste. Mais on en entend pas parler, quoi. Bah peut-être c'est parce ça, moi, que je... Voilà. Bah parce qu'ils vont pas mettre en avant, c'est pas le pire truc qu'on peut mettre en avant sur lui, quoi. Le mec, il est déjà recouvert de sang sur ses pochettes, donc tu te dis, bon, bah... Tant que c'est pas un sang d'étranger... je crois qu'il le ferait pas, du coup. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être... Le mec, il avait quand même l'air de dire qu'il a toujours des armes sur lui, genre un couteau, enfin, il est plus flippant qu'autre chose, ce gars-là. Il est plus flippé, surtout, qu'autre chose. Ah bah, mais flippé, c'est flippant. Après, moi j'ai pas vu du tout le truc passer donc j'ai pas vu les réactions, mais faudrait regarder. Je l'ai vu sur Metal Sucks, je l'ai vu sur pas mal de. Ah bon ? Ouais. J'ai pas vu ça. Hein. Attends, je vais taper. Je vais regarder pourquoi j'ai pas vu ce truc là, moi. Bah, c'est étrange. Bah, ouais. Donc voilà, bah, pour moi j'en étais à la fin en disant que bah, c'est pas ce que je déteste le plus dans le black metal. Ah, mais tu reconnais quand même qu'il y aurait peut-être, donc, peut-être à creuser une ouverture peut-être possible si t'arrivais à trouver. Ben après, ça passe, mais je te dis vraiment, le black qui est trop cradingue et tout. Non, ça remonte au 9 janvier le truc. Oui, bah ben, c'est pour ça. D'il y a un mois. Oui, il y a un mois que j'ai vu ça. Il dénie les allégations de nazisme après que le guitariste on stage a fait un salut nazi. D'accord. Je sais pas. Oui, non, mais voilà. Après, non, mais c'était pour. Non, mais c'est intéressant. C'était pour dire. Il y a quelqu'un qui a dit je vais attendre, et, je vais voir et attendre ce que va dire Rob Flynn à ce sujet-là. avant de faire mon jugement final. Et du coup. Bah, je sais pas. Ah, c'est un mec qui a mis ça en commentaire du truc, j'ai trouvé ça marrant. C'est très drôle. Car on sait tous que Rob a toujours des choses ouais, à dire. Surtout. Sacré Robby. Va. Donc voilà. Eh ben, pour ma part, c'est terminado. Très bien. Je tiens juste à préciser qu'on a fait deux groupes chacun et que ça fait 42 minutes seulement. Eh ben. Bon, on expédie ce soir. Bah ouais. Bah, écoute. Allez hop. Mais c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Alors, mon prochain groupe. Allez, je te le fais en deux. Demander. Questionner. Anglais. Question. Asking. Pharaon. Égypte. ok. Alexandria. Ah ouais, bravo. Bon, ça, merci. Oh, je l'ai dit en asking deux. Asking Alexandria. Voilà, je l'ai dit en deux, on l'a fait en 15. Ouais, bon, c'est pas grave, pas grave. Donc, Asking Alexandria, qui va passer en Main Stage 2 le dimanche à 15h55 jusqu'à 16h35. On n'est pas loin d'un petit 40 minutes également. D'accord. Initialement formé en 2006 aux Émirats Arabes Unis, Émirats Arabes Unis, par le guitariste Benjamin Bruce, et allant jusqu'à composer un album intitulé The Irony of Your Perfection avec d'autres membres sous le nom d'Asking Alexandria, le groupe se sépare peu de temps après, et Ben explique plus tard que le groupe connu sous le nom d'Asking Alexandria de Dubaï ne s'est formé que pendant un mois avant sa séparation et qu'il n'a jamais embarqué pour une tournée. Ok, d'accord. Très très bien. Bah, ouais. De retour au Royaume-Uni seul, Ben forme un nouveau Asking Alexandria parce qu'il est à l'origine du nom et que comme il l'aimait bien, oui, bah, voilà, oui, il reforme un groupe avec un nouvel état d'esprit. Donc je recommence. reformé en 2008 au Royaume-Uni, Asking Alexandria version 2 est un groupe de metalcore lorgnant vers l'électronicore avec un peu de heavy, mais beaucoup trop de synthé. Fait amusant, car au début, groupe de 6, il passe à 5 environ Ryan Beans, l'homme clavier synthé piano du groupe, et laisse le pianotage de notes au chanteur, Danny Worship. Bah, en fait, en gros, tu fais quoi toi? Tu chantes? T'as pas de vrai instrument? Bah tiens, t'appuies en aléatoire et tu vas voir, ça va être super. Après des mois de tournée sur le premier album en septembre 2009, Stand Up and Scream, le groupe continue de prendre du poids en termes de reconnaissance, j'entends. Deux mois plus tard, en décembre, le groupe annonce un second album pour janvier 2010. Donc, soi-disant, trois mois plus tard. Bon, au final, l'album sort en 2011. Peut-être que c'était une erreur de date dans Wikipédia. Oui. Je veux pas trop accuser tout le monde. Pas que des choses. Voilà, des fois, les gens se trompent. Entre deux, un EP de remix dubstep de leur premier titre voit le jour. 16 titres pour un EP, c'est bien. 16 remix, c'est moins bien. On va en parler tout de suite. Un EP de 16 titres. Oui, c'est pour ça. Mais 16 remix, c'est moins bien. Après l'annonce d'un troisième album pour 2013, le magazine américain Revolver inclut ce futur album dans sa liste des albums les plus attendus de l'année 2012. D'accord. Les dates, tu sais moi, je ne cherche plus de sens. 8 août 2013, sortie de l'album From Death to Destiny. 2014, pas trop de choses, donc on va partir sur une base tournée, clip, promo, repos, bière. 2015, janvier, le 7, Ben annonce un nouvel album pour l'été. Et le 23, pour être précis, annonce du départ du chanteur Danny, remplacé par Denis Safo-Rostov, aussi connu sous le nom de Stoff. Ok, donc il remplace Danny par Denis. Voilà, ça m'a fait rire aussi ça. Pendant la tournée européenne de cette même année, l'album initialement prévu pour octobre ou novembre se fera au début de 2016. Mars 2016, sortie de The Black, qui a une pochette que je trouve fort charmante, mais qui fait plus black metal que metalcore. Ouais. Mais ouais, t'as déjà dû voir cette pochette parce que certainement. Moi, je la trouve très sympa, mais elle fait plus black metal que metalcore. Est-ce que c'est le chanteur de Baroness qui a fait Alors là. Oh non, je pose la question. T'sais. Non, mais tu fais bien. Il regarde. Un peu sur tous les fonds. Eh, jolie. T'as vu elle est sympa. Effectivement. Elle fait plus black que metalcore. Je trouve. Ah oui. Enfin, par contre, voilà. Je dirais qu'elle fait, même pas black, vraiment quoi. Si tu veux comparer aux autres pochettes du groupe, on est un peu sur des trucs un peu, voilà, elle dénote. Ah oui, effectivement. Tu vois, elle dénote. Ouais, complètement. Ah. Alors. Mais joli. Octobre, mois assez frais, je trouve. Le groupe annonce le départ de Stoff et le retour de Danny. Donc Denis se barre, Danny revient. La vie peut parfois être belle et le groupe retourne en studio dès le début de 2017 pour une sortie officielle le 15 décembre de l'album éponyme Alexandria. Pas éponyme, pas comme. Ouais, c'est ça. Donc le 15 décembre 2017, quasiment hier, et c'est une bio déjà bien trop longue. Musicalement, c'est complètement metalcore avec des moments électro, que ce soit dans les intros ou certains passages. T'as vraiment l'impression que le chanteur est seul avec son synthé. À des moments, tu te dis vraiment. Quoi Ah, ça m'a fou. Là, toi, t'aimeras pas, toi. Surtout dans les deux premiers albums. Le troisième est un peu moins rempli de synthé et un peu plus heavy. Le quatrième, avec un nouveau chanteur et le retour du synthé et au style pur d'Asking Alexandria. Quant au dernier, c'est de la continuité logique. Dans l'ensemble, je dirais que c'est un groupe qui passe dans une playlist. Il y a 2-3 titres que j'ai bien aimés dans les singles, mais ce sont les morceaux les plus mainstream. Après, dans l'ensemble, je dirais que c'est un peu trop propre. D'ailleurs, c'est un point que je reproche souvent au metalcore, c'est carré, c'est propre, c'est bien produit, et je trouve même que ça crie propre. Ça sent que c'est fait par des premiers de la classe, bien rasés, bien coiffés, bien tatoués, mais sans le côté sale du rock. Ouais, c'est ça. Ça sent moins le côté torturé. Si je devais faire une comparaison, ce serait justement ce que j'aime chez Killwitch Engage, à savoir qu'il y a un petit côté sale chez eux et qui sonne plus rock, plus de trip. Je trouve que c'est vraiment un truc qui est marquant dans le metalcore, qui marche beaucoup. Ouais. C'est hyper carré, c'est hyper propre et t'as l'impression que les mecs ils foirent jamais une rythmique. C'est peut-être des machines. Hein. Non, mais ça manque d'énergie quoi. Alors que tu vois, je prends l'exemple de Killwitch Engage parce que le chanteur sur le dernier album sorti, il s'est exilé tout seul pendant un mois pour se laisser aller à tous ses vieux démons et sortir les meilleurs textes possibles. D'accord. Ok, c'est tordu, ok, c'est pas forcément comment dire, bien vu, ou je sais pas comment dire, mais au moins le mec donne ce qu'il a, quoi. Là, ça, quand j'écoutais Asking Alexandria et que je vois qu'il comble certains trucs par des morceaux, des passages en synthé, j'étais là, j'ai dit, waouh, ouais, ça fait vraiment, on fait ça parce que c'est bien, mais je sens pas l'âme métal ou l'âme rock, quoi. Ouais, tu vois. Alors que dans mon dernier groupe, la vraie, j'ai senti l'âme rock, voilà. Et donc, j'ai dit que ça passait, oui, c'est ça, j'ai déjà dit. Donc, voilà. Dit que ça passait, ouais. Et donc, je recommande plus quand même, parce que c'est quand même plutôt bien fait. Mais ça ne vaut pas un bon Kill Witch. C'est ça. À la vôtre. Merci, c'est gentil. Eh bien, moi, j'enchaîne avec Helung, groupe Helung Donc, Danemark, deux albums. Il passe sous la Temple le samedi à 16h45. C'est vrai. Et ils finissent à 17h35. C'est vrai. Voilà. Un bon petit set, comme on dit. Eh bien, oui. Helung. Que dire sur Helung ? C'est assez compliqué, hein, quand même. Écoute, j'ai, comme je l'ai marqué dans le post, hein, j'ai été très heureux d'écouter 30 secondes de ce groupe pour. D'accord. Parce que je savais que ce serait à toi d'en parler. Ah oui, t'es un enfoiré en fait. pour le coup, eux m'ont fait voyager, du coup. Ah. Mais ouais, voilà. Parce que c'est quoi comme style au fait, j'ai pas. En fait, il n'y a pas réellement de style. D'accord. J'arrive pas à tout. Enfin, c'est assez compliqué à définir comme style. D'accord. T'as pas essayé d'aller voir chez Wiki ce qu'ils disaient ? Non, parce qu'ils disaient rien. Et sur leur page à eux ? Sur leur page non plus. Et sur le truc de Hellfest ? Ben vas-y, va voir. Ah, y a pas pensé. Non, j'y ai même pas pensé. Puis franchement, j'étais pas du tout dans le truc. J'étais en train d'écouter. Puis tu vois, voilà. Pour tout dire, voilà. Quand je dis qu'ils m'ont fait voyager, c'est que tu te vois dans un pays froid, hein, une peau de bête sur le dos, la neige tombante, une vingtaine de personnes assises autour d'un grand feu qui apporte la seule lumière. Tu vois l'esprit ? Ouais. Et au centre de ce grand cercle, un petit groupe de personnes chantant et dansant, instruments à la main. Voilà, tu vois le truc, quoi. Bah, c'est vachement sympa. Bah ouais, c'est sympa. Est-ce qu'il y avait un feu et un barbecue ? Il n'y avait pas de barbecue. Non. Il y avait un feu ? Il y avait un grand feu, ouais. Est-ce qu'il y a des animaux sauvages ? Oh, il y a des animaux partout, ouais. Bah, il y a moyen de faire un barbecue. Bah oui, certainement. Bah alors ? Bah voilà. Donc, c'est marqué néo-folk tribal. Oui, voilà, c'est ça. Bah tu vois. Oui, néo-folk tribal, ouais. Oui. Oui, pourquoi pas. Ouais, t'es pas assez ouvert toi, sur les styles. ouais, c'est ça. Ouais, j'en ai vu un l'autre jour, je sais plus c'est quoi. Je l'ai pas noté, mais. Je fais bon, bah d'accord. Donc, qu'est-ce que j'ai marqué ? Une certaine transe. Voilà, c'est ça. Musique que je pense peut apporter une certaine transe, non seulement chez les pratiquants, mais aussi chez les écoutants. D'accord. Vraiment, quand t'écoutes, tu peux fermer les yeux et partir vraiment. Ah bah, c'est stylé ça. Très loin. Ah ouais, non, c'est. Mais c'est. J'ai pas trouvé. Enfin, en fait, il y a un côté chiant, hein, forcément, parce que c'est assez long. Et lent. Assez répétitif. Les morceaux sont plus ou moins changeants. Ouais. Mais par contre, quand ils sont sur un truc, ils vont le répéter. Ah, beaucoup. Ils vont insister. Ils vont insister sur le boucle, truc. Une espèce de boucle. Ouais, voilà. Et du coup, musicalement, c'est pareil, quoi. Bah, c'est tout, tu sais, ça continue. Ça. Et puis ouais, c'est peut-être ça aussi qui fait que tu rentres dans une espèce de, tu sais, de... Bah de trip un peu. De balancier, voilà, ouais. Et tu puis d'un seul coup ça va changer, alors tu vas partir sur autre chose. Ah, mais donc ça marche bien quand même alors. Mais ça marche plutôt bien, ouais. Donc voilà, moi je disais ambiance très primitive entre le Dead Can Dance et le World Runa. Mmh. Tu vois. Donc voilà, ils passent d'un chant féminin très doux sur un des morceaux. Après, ils vont carrément sur un autre morceau, un chant guerrier. Ah, parce qu'il n'y a pas qu'une chanteuse. Moi, j'étais persuadé qu'il n'y a qu'une chanteuse. Ah non, il y a des chants. Que j'ai mis le nom de l'album. C'est Ofrir, je sais pas trop quoi. Ophtalmo ? Ouais, c'est ça, Ophtalmo. Ou Ofria, je sais plus. Ofri rouge. Ofri rouge. C'est ça. Ah, attends, j'ai regardé. Et par contre, j'ai pas compris la chanson Sham Schlafst. Je la trouve moins musicale que les autres, celle-là. Schlamm Schlaft. Ouais, c'est ça. Celle-là est... Schlamm Schlaft. Ofnir. Ofnir, voilà. Le nom de l'album ? C'est ça, Ofnir. Ofnir, 2015. Ouais. Ils n'en ont pas beaucoup d'albums. Mais ouais... Ils en ont deux. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais ce que ça a l'air, moi, ça me fait envie ce que tu as dit. Bah ouais. Et toi, est-ce que tu as aimé au final? Parce que j'ai pas senti. Bah, j'ai aimé. Je dirais pas que j'ai aimé, parce que je te dis, à un moment, c'était trop long. Il y a certains morceaux qui sont trop longs, et du coup, tu passes d'un moment à te dire, ouais, c'est pas mal, tu sais, tu t'écoutes, tu fermes les yeux, parce que bah, t'as ce côté qui t'emporte un peu quand même. Tu t'imagines forcément dans un monde un peu forcément viking, voilà, tu as l'esprit du Grand Nord, quoi, hein. Et du coup. T'as ce côté-là, et puis bah, t'as le côté où c'est trop long, et du coup, tu décroches un peu, quoi. Ah, mais en fait, est-ce que tu l'as... Alors, dans ce cas, j'ai confirmé, j'ai changé ma... J'ai reformulé. Est-ce que tu dirais que tu n'as pas forcément aimé comme groupe, mais t'as aimé l'expérience, en fait? J'ai aimé, ouais. Tu vois, c'est ouais. Un peu... Ça ressemble pas un peu tout, à ce que je te disais, ouais. J'ai aimé le... Le voyage. Ouais, le voyage, l'idée, quoi, le truc, quoi. Après, voilà. Ouais, mais du coup, en fait, ça fait partie, justement, de ce que toi, tu ne recherches pas dans la musique. Non. Et qu'en fait... Ça peut peut-être rejoindre ce que j'ai essayé de te dire la semaine dernière en disant bah, j'ai trouvé ça bien et tout, mais il n'y a pas de moment où tu irais forcément écouter ça. Bah, en fait, moi j'écoute quand même Dead Can Dance. Ouais. Pas souvent, moins souvent maintenant, parce que bah, forcément j'écoute plus. De trucs qui bougent. Mais... Voilà, de trucs qui bougent, mais de temps en temps ça me fait plaisir de me remettre un petit Dead Can Dance. En entier ? Ouais, ouais, en entier, ouais. Et qui te fait voyager pareil ? Bah, toujours pareil, ouais, parce que ça fait longtemps que je connais Dead Can Dance. Non, mais est-ce que ça te fait voyager de la même manière que ça ? Ah, de la même manière que ça ? Ouais. Sur certains morceaux de Helung, oui. J'ai vraiment retrouvé du Dead Can Dance, vraiment, ce côté où t'as vraiment l'impression, c'est de... Je sais pas, ouais, il y a un truc, faut écouter pour peut-être comprendre, je ne sais pas, ou c'est peut-être moi, je ne sais pas. Ouais. Mais ouais, non, il y a un truc qui te fait... qui te transporte, ouais, vraiment, qui... En tout cas, l'écoute, elle a été... On va dire que peut-être qu'au début, tu avais moins envie et qu'au final, ça s'est avéré plus intéressant que... Ouais, alors, parcimonie et rentrer un moment, oh, c'est chelou ce que t'écoutes. Ouais. Donc, tu vois, il y a des... Il y a bah, pas le côté forcément... Bah, il faut rentrer dedans en même temps. Dans voilà, c'est ça. C'est... Parce qu'ils font pas que des moments musicaux. Alors, si j'ai bien compris, je crois qu'ils ont recréé des boucliers, épées ou je sais pas quoi. Et ils font des sons, en fait, aussi avec... comme les guerriers, tu sais, qui tapent sur les boucliers, machin. Donc, il y a aussi ce côté-là. Donc, c'est ce que je disais, quoi. C'est, t'as des chants guerriers et t'as des chants beaucoup plus cool, enfin, de... Bah, un peu à la Lisa Gerrard, justement, de Dead Can Dance, quoi. Plus lyrique, plus envolé, tu vois. Donc, et... après, ça te fait voyager dans le sens où t'as... Pas forcément émotionnellement, mais t'as cette image dans la tête, ouais. Tu vois, qui va te faire partir... voir, tu t'imagines avec une horde de mecs, ouais. Tu vois, qui ont des boucliers et tout, donc tu t'imagines forcément, il fait pas chaud, t'as la mer, t'as machin, visuel, quoi, voilà, c'est plus visuel qu'autre chose, mais c'est pas émotionnel. Est-ce que les albums sont, sans être des albums forcément à thème, est-ce que c'est un tout en fait l'album, ou c'est des chansons uniques? Je veux dire, parce que quand tu sais que Parcimonie arrivait en disant c'était chelou, elle est sûrement arrivée au milieu d'un morceau. Mais est-ce que l'album est dans une certaine continuité qui fait que ça marche? Bah, pas vraiment en fait. D'accord, il y a vraiment des... Donc c'est des titres... Non. Après j'ai pas tout écouté, tu vois, j'ai écouté 4 ou 5 morceaux de chaque album, enfin des 2 albums. J'ai pas tout écouté, donc est-ce que tu peux retrouver une certaine histoire ou tu vois, peut-être qu'ils ont essayé de faire un récit dans l'album, je ne sais pas. J'ai pas tout écouté, donc je peux pas te dire. Ouais, donc en fait, c'est complètement pas un album qui passe dans une playlist que t'es en train d'écouter. C'est vraiment un truc qu'il faut écouter. Ah ouais, ouais, totalement, ah. Totalement. Ah, franchement, faut prendre l'initiative d'aller écouter. Et voilà. Ouais, mais du coup, c'est vrai que c'est intéressant. Mais ça, il reste toujours après l'expérience de est-ce qu'il faut aller le voir en live, parce que du coup... Alors, par contre, tu vois, c'est ça le truc, c'est que moi, je pense que j'irai pas. Bah ouais, parce que tu... Parce que, déjà, je me suis à moitié laissé emporter sur du Brand Bjork. Alors là, j'imagine même pas, quoi. C'est, je sais pas, je pense que les gens écoutent allongés, peut-être. Bah, peut-être. Hein. Voilà. Bah, c'est où que ça passe déjà? Sous la Temple? Ouais. Bon, moi, ouais, c'est moi. Ça s'y prête, moi. En même temps, Vardruna, c'est là où c'était passé aussi, je crois. Ouais. Bah, j'aurais plus été voir Vardruna, forcément. Oui. Parce que plus musical. Déjà. Que là, celui joue vraiment avec des sons aussi, quoi. Il n'y a pas que de la musique, quoi. C'est, bah, Vardruna, la particularité, c'est aussi qu'ils fabriquent leur instrument. Ouais, aussi, ouais. Donc tu recommandes ? Hein ? Ouais, tu recommandes. En plus, très bien. D'autres choses à dire ou pas ? Non. Très bien. Eh bien, je vais passer à mon dernier groupe, déjà. qui va passer en Main Stage 1 vendredi à 15h05 jusqu'à 15h05. Apparemment, je me suis planté. De 15h05 à 15h05. Ouais. Ouais. J'ai dû marquer deux fois 15h05, je crois bien. Tu crois ? Oui, je pense. C'est fou. Bah, c'est la seule explication que j'ai. Hein. Jusqu'à 15h55. C'est la vraie. Donc, ce groupe, c'est Rose Tattoo. Groupe de hard rock. Me regarde pas avec un truc. J'ai pas... Bon. Groupe de hard rock formé à Sydney en 1976 par le guitariste Peter Wells, dont la devise était que pour faire partie du groupe, tous les membres devaient avoir au moins un tatouage, les cheveux courts et le même style vestimentaire. Et mesurer 1m50. Non, le guitariste, pas le chanteur. Ah, le guitariste. Ce qui dit comme ça sonne aujourd'hui assez mal en fait. Tu veux faire partie de mon groupe ? T'as un tatouage, t'as les cheveux courts, et on est tous habillés pareil. Ouais, c'est un peu fasciste ton truc quand même. Un peu. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Ouais. Hein, bon. C'est à cette époque que Peter rencontre Angry Anderson, chanteur qui venait de Melbourne, dont la voix est comparée à Rod Stewart. À l'époque, ça avait de la valeur. Donc Peter rencontre. Ah, quelle culotte. Ouais, pardon. Donc Peter rencontre Angry. Le mec s'appelle Colère quand même. Bah ouais, c'est ça. Donc le mec s'appelle Colère Anderson. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça très fort. Et finalise le reste du groupe avec Ian Reilly à la basse, Mike Cox à la guitare et Dallas Royal à la batterie. En 1978, le groupe enregistre. Dallas, quand même. Oui, bah ils ont que des noms un peu. L'autre s'appelle Cox quand même, c'est pas mieux. Le groupe enregistre son premier album intitulé Rose Tattoo, qui paraîtra en France en 81. L'Australie, les mecs sont de l'autre côté du monde, ils ont le temps. 3 ans plus tard, quand même. Ah ouais. Ouais. Après une longue tournée, sort en 81 le second album, Assault and Battery. S'ensuit la classique tournée en Europe, celle où ils sont acclamés par le public. De retour en Australie, hop, nouvel album, Scared for Life, en 82. S'ensuit une tournée américaine, cette fois, qui n'est pas un succès majeur, mais quand même. À la fin de la balade en états-unien, Peter Wells et deux autres membres quittent le navire. Alors, c'est Peter Wells qui quitte le navire. Angry les remplace et sort Southern Star en 84. S'ensuit une petite pause pour Colère qui va tourner dans Mad Max au-delà du Dôme du Tonnerre. Carrément. Ouais. 1986, Beat from a Single Drum. S'ensuit donc une longue pause. En 93, le groupe se reforme le temps d'une tournée avec les Guns N' Roses. En 98, quelques signes de vie apparaissent pour des tournées. 2002, l'album Pain, dans sa formation de presque origine, s'ensuit une gigantesque tournée. En fait, j'en sais rien. S'ensuit une tournée. 2006. J'y croyais. Hein ? Ah, j'y croyais. Ah, bref. 2006, Peter Wells et Ian Reilly décèdent, la même année. Ce qui les empêche de participer en 2007 au dernier album studio du groupe à ce jour, à savoir Blood Brother. C'est plus compliqué, effectivement. Bah ouais, c'est plus. Ouais, c'est vrai que c'est plus dur. Donc, Blood Brother, qui veut dire frère de sang. Oui. Tout ça, sûrement, a un lien. Depuis, le groupe tourne, je suppose en tout cas, parce qu'il est toujours actif. Le groupe a souvent été comparé à AC/DC parce que mixant lui aussi du blues et du rock, en même temps à l'époque ils étaient un petit peu tous dans la même vibe. C'est un groupe australien ? Non ? C'est un groupe australien ? Oui. Ouais, à Sydney en général, c'est un peu. Le Sydney, Melbourne, tout ça. En plus, j'ai dit l'album, l'Australie, c'est de l'autre côté du monde. Alors. Mais c'est plus. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Non, j'ai dit c'était une petite aparté. Ouais. Le moment où t'as dit connard ? C'était ça ? J'ai rien dit, moi. Oh, et oh. Je n'ai rien dit. Ah, si, t'as lancé un connard, un entre deux. Non. T'as pas dit un connard ? Ah, bah non, pas du tout. Tu t'en rends plus compte ? Ah, bah non. Alors, ah, bah excuse-moi. Je retire tout ce que j'ai pu penser dans ma tête. Ah non, j'ai pas dit connard. Je retire tout ce que j'ai imaginé. Ouais. D'accord. Donc, mixant lui aussi du blues et du rock, mais c'est plus l'Australie qui serait leur point de comparaison parce que musicalement, c'est pas du Hernbourne, si tu vois ce que je veux dire. Je vois bien. Tu vois, hein, c'est ce que c'est. Le groupe est aussi une véritable influence pour toute une génération qui comprend les Guns N' Roses, LA Guns ou encore Nashville Pussy. Pour ma part, est-ce que tu me le prêtes ? Bien sûr. Merci. Pour ma part, c'est un bon groupe de rock qui a quand même un petit côté rétro sans trop forcément avoir vieilli. Ou plutôt dans le bon sens du terme. C'est rock, mais vivant comme doit être le rock. Qu'importe le temps passé, c'est pour tous ceux qui veulent écouter du rock et bouger la tête au rythme de la musique en sirotant une bonne bière, en faisant un billard, en déclenchant une bagarre ou en draguant une petite au bar. Salut, je te paye une bière. T'aimes bien la musique ? C'est Rose Tattoo. C'est un groupe qui a beaucoup influencé d'autres groupes. Le chanteur s'appelle Colère Anderson. Ils étaient number one. Bref, je recommande plus si tu aimes ce qui est rock, ça ferait une super bande son à écouter dans une chaufferie. Yeah. Alors, je m'attends. La semaine dernière, tu disais, t'avais fait une espèce de petit signe, genre, oh bah t'as pas de bol d'avoir trouvé le groupe. En fait, c'est vachement bien passé. J'ai trouvé ça. Ah non, mais je pense que je confondais avec un autre groupe. Ah, parce que c'est très très sympa. Enfin, ouais, c'est très rock. J'ai écouté le morceau que t'as posté. Ouais, c'est sympa. Et oui, oui, c'est rock. C'est bon, le morceau fait super vieux quand tu regardes. Ouais, c'est clair. Mais par contre, non, j'ai trouvé ça très très sympa, très efficace, très dans l'esprit rock, voilà. Et, ouais. J'ai rien de spécialement négatif à dire sur le truc. C'est pas ce que j'écouterais moi. Mais c'est un truc que quand t'es en fond sonore quelque part, ça passe tout seul, ouais. Voilà. Et puis c'est énergique, il y a de la patate pour ce que c'est, quoi. Sans j'aller non plus, forcément. Ça n'a pas la patate d'un Headbutt, mais, mais ça reste quand même vachement sympa. Et je ne sais pas ce qui passe forcément au même moment, mais je pourrais passer devant et m'arrêter un petit peu, parce que franchement, des mecs qui ont encore cette patate-là, ça reste cool, quoi. Bah c'est... Ouais. Donc non, vraiment, j'ai trouvé ça très, très sympa. Donc j'ai dit que ça passait là. Ça passe en même temps que Nordjevoel et 7-8. Désolé les gars, je serai à la Warzone. Voilà, je recommande plus. À toi pour le dernier groupe, Bob. Ah ouais, man. Bobby, c'est à toi. Ah, ok. Voici le... Ah, tu l'as pas fait. Ok. Ton jungleux. Mon jungleux. Bah oui. Oh, mon jungleux. Vas-y pour ta dernière, c'est bon. Ah, flûte. Et maintenant, la chronique de Bob. Chronique. Voilà. Alors. Non, laisse tomber. Pour ma part, je finis avec The Texas Chainsaw Dust Lovers. Son groupe préféré, c'est sûr. Et on peut encore dire. Cocorico. Cocorico. Vraiment, hein. Alors, voilà. Merci. Alors, on a craché beaucoup sur Hellfest, mais merci de nous avoir fait découvrir tous ces groupes. Parce que franchement... Et puis là, moi, les groupes français, j'arrête pas, quoi. C'est un truc de dingue. Et puis même, je suis assez surpris de voir qu'il y a autant de groupes français cette année, quoi. Et de cette qualité. Et de cette même qualité. Parce que même si Canon Down, par exemple, on n'aime pas, ça reste. Voilà. Ben oui, non, c'est clair. C'est pas du petit enregistrement de, hein, non, de rigolard, clair. Rigolard. Hein. Donc, groupe de Paris, d'après ce que j'ai lu, ils ont deux albums, un single. Moi, ce que je vois, j'ai écouté. Eh, on peut dire qu'on est un petit peu à l'opposé l'un de l'autre des bios. Hein. Ouais. Vient de Paris, deux albums, un single. Donc moi j'ai bien aimé. Bah ouais. Écoute, pourquoi pas, bah, je vais pas me faire chier. Non, mais t'as bien raison. Ce que je disais, c'est que The Texas pas facile à dire. Non, c'est pas facile à dire. The Texas Chainsaw Dust Lovers. Moi je pense que c'est des mecs qui aiment le rock et le cinéma. Ouais. Voilà. C'est ce que je retire. Et qu'ils arrivent à combiner les deux plutôt bien, d'ailleurs. Parce que je pense que c'est des mecs cool. Ouais, je pense aussi. Ils ont l'air cool. Ouais. Ouais. Alors, il y en a un qui a une grosse ressemblance avec Neil Fellon, le chanteur de... De Clutch ? De Clutch, ouais. Ouais, il a l'air cool. Après, je sais pas, je ne sais pas tout parce que j'ai pas tout écouté, mais de ce que j'ai écouté, ouais, j'ai vraiment l'impression, en fait, d'entendre une bande originale de film. Non, c'est pas faux. C'est pas faux. Non. Donc voilà. C'est pour ça que lors des albums, ouais, ils ont un leur deuxième album, donc le dernier album s'appelle Film Noir, si je me trompe pas. Ah. Voilà. L'album, hein, pas le EP. Vas-y, balance ta sauce. Non, c'est parce qu'en fait, je viens de me rendre compte qu'il y a une grosse news qu'on a zappé. Ouais. Quand je t'ai dit passe et après on n'est pas revenu dessus. Ah mais oui, en plus, putain, je suis revenu moi en me disant non, c'était pas ça parce que tu l'avais lu. Mais c'est ça. Mais vas-y, on va la faire après. C'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Qui écoute de se venir. Voilà, c'est ça. Donc, moi j'ai mis, par exemple, en écoutant les premières notes de Car Crash, je me voyais au volant d'une muscle car sur une autoroute du Sud-Amérique avec deux grosses bandes noires au-dessus et en dessous. C'est un film. Hein. Oui. Vraiment, ça sentait la poussière. Là. Ouais. Tu vois là. Course poursuite. Donc voilà. Influencé par le stoner rock, hein, je pense, voire le fuzz un peu. Ils font une reprise qui est pas dégueulasse de The Man of the Constant Sorrow. Mm. C'est vrai. Je l'ai plutôt trouvé sympa. Ouais, elle m'a surpris en fait. Bah, au début, ouais. Bah, au début, je me suis dit, putain, c'est sympa. Puis ah, mais d'accord, ok, au browser, ok, d'accord. Ouais, j'ai trouvé ça sympa. Ouais. Ouais, j'ai mis qu'elle était pas piquée des hannetons. Mais ouais. Ah, ouh, là, ça veut dire que t'aimes bien quand t'as marqué. Bon, c'est je crois que c'est la première fois que j'utilise. Donc voilà. Voilà, que dire sur ce groupe Non, je pensais que t'aurais plus à dire. T'as pas plus aimé que ça. Si, non, j'aime bien. J'aime pas tout. Par exemple, il y a certains chants qui me bottent pas plus que ça. Mais ouais. Sinon, l'énergie me botte bien. Mmh. Voilà, il y a ce côté justement, ouais, un peu. Ciné-musique qui. Bah, même dans leur clip, je sais pas si t'as vu un peu, mais c'est. J'ai pas vu de clip, je crois. Bah, j'en avais posté un, moi. Ouais, mais j'ai écouté moi direct sur Spotify, donc du coup, j'ai pas trop cherché. Je suis tombé directement en fait sur The Man of Constant Sorrow. Donc, ouais. Je me suis dit, hey, carrément, pourquoi pas. Ouais, non, moi j'ai vraiment été très très surpris. Bah, et d'une, de la qualité du groupe. Oui. Et de ce côté original dans leur style, je trouvais. Ouais. En fait, parce qu'ils auraient pu faire un truc classique, et en fait, non, je trouve que ça marche bien. Musicalement, c'est top. Et ah ouais, c'est une bonne énergie. Ouais. Musicalement, ils sont très bons, c'est pas le souci. Hein. Non, je mets un truc qui me gêne, je sais pas, j'arriverai pas à dire c'est quoi. Mais non, sinon, j'ai apprécié, hein, les gouttes, très très bien. Hein. Je vais recommander même plus. Ah voilà. Ah oui, parce que quand tu recommandes plus, toi, c'est le haut du panier. Le gros panard. Le gratin. Le panard. La panacée. S'il vous plaît. N'ayons pas peur des mots. Non, bah après, voilà, je sais pas. J'ai trouvé très bien. Très bonne écoute. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est quand même pas le groupe que t'as le plus aimé de tes quatre? J'ai écouté quoi? Si. Ah. Si. Ah ouais. Très bien. Ok. Bon, bah voilà pour ces chroniques de cette semaine. Tout à fait. Donc je retourne à ma news. Voilà. Avant qu'on pioche les derniers groupes. Et il y a un truc qu'on n'a pas fait non plus. Normalement j'aurais dû écouter les Satanic Surfers, je l'ai pas fait. Eh bah super. Donc ce que je te propose, c'est qu'on mate 4 groupes à écouter. Ouais. Je vais te les citer et tu vas me dire ouais pourquoi pas machin. D'accord. Donc la dernière news que j'avais pas faite, c'était, j'en parlais il y a peu, 2 numéros je crois, The Raven Edge et son avenir, maintenant que le chanteur était parti, remercié, dégagé, d'un commun accord. Le vendredi 13 avril, le groupe a annoncé un nouveau chanteur en la personne de Matt James, l'ancien chanteur de White Lies, et un nouveau single, Surrogate. Petit complément d'information, dans le clip, je n'ai pas reconnu le son guitariste en dehors de George Harris, son ami avec qui il avait formé le groupe à la base, Dan Wright. Après quelques recherches, il s'avérait que le sieur Dan a préféré prendre en charge le management du groupe et s'y consacrer à 100%. Et il a donc été remplacé par Tony Moe. Voici, les rectifications sont faites et j'aurais déjà pu m'en rendre compte quand j'ai fait ma chronique, parce qu'en fait, c'est arrivé l'été dernier, ça. Voilà, c'est ça. Donc j'ai merdé. Comme quoi, tu vois, on n'est pas tous sérieux dans notre boulot. Voilà, c'est ça, on n'est pas tous à fond. Par contre, donc, j'ai écouté ce titre, je l'ai écouté 2-3 fois. Et ben, plus ça va, plus j'arrive à entrevoir ce que tu disais sur l'importance du chanteur. Mais en fait, moi, je le vois dans le changement d'un chanteur. Tu vois ce que je disais la semaine dernière par rapport à Dead Cross, que le premier chanteur n'avait pas apporté ce qu'avait apporté Mike Patton derrière. Ouais. Là, moi, en fait, j'ai aimé le Raven Edge que j'ai entendu avant, ce nouveau chanteur. Bah, j'ai trouvé la chanson fade. Ouais. Alors que si ça se trouve, musicalement, elle est un peu comme les autres, mais c'était l'autre chanteur qui faisait un ensemble. Là, en fait, ça m'a pas plu ce que j'ai écouté. Ouais. Et tu vois, c'est ce que j'avais un peu peur avec le départ du chanteur et que j'attendais vraiment de. J'avais dit, je sais pas si tu t'en souviens, que l'album m'avait pas emmené plus loin que m'avait emmené l'EP que j'avais beaucoup aimé. J'avais pas trouvé le truc plus. J'avais trouvé, ouais, c'est dans la continuité. Ouais. Donc j'attends quand même de pouvoir écouter la suite quand il y en aura. Pour l'instant, je suis pas hyper convaincu par leur nouveau chanteur et c'est vraiment, je trouve que autant je comprends le changement de musicien, autant une identité comme la voix, c'est hyper dur à remplacer. Voilà, c'était la news que je n'avais pas faite. Et donc, totalement d'accord. Comme il y a des albums qu'on devait écouter, enfin il y avait juste Satanic Surfer que je vais faire et qu'on n'a pas fait, je propose de reporter ça la semaine prochaine. Et qu'est-ce que tu dirais d'écouter, moi j'ai déjà commencé, mais on pourra en parler la semaine prochaine, le nouvel album de Crisis. Totalement. Et il y en a peut-être deux autres, l'album acoustique de Lophophora. Eh ouais. Je pense. Pourquoi pas. Est-ce qu'il y en avait un autre que je voulais écouter? J'ai vu ça, ouais. Est-ce que tu as vu quelque chose, toi, que tu aurais voulu écouter? Ouais, je pourrais te redire ça. Ouais, bah écoute, il reste une entrée, comme ça en fait 4 si jamais. Ouais. Dans les sorties qu'on aurait zappé ou un truc. Ouais. Donc, sinon, je te propose de tirer au sort les groupes. Alors, allons-y. En espérant que j'ai pas encore trop de. Je sais pas. Du coup, de manière, cet épisode sortira quand même le jeudi, hein, comme d'habitude. Oui. Hein, donc, peut-être que demain ou après-demain, il y aura quelque chose. Je garantis pas. Tu verras ça. Ouais, on est plus pressé maintenant. C'est bah ça non, c'est ça le truc. Donc, Asking Alexandria, c'est moi le dernier à l'avoir tiré, donc c'est à moi de recommencer. Si tu veux. C'est parti. Ça sert à rien. Ça. Si, ça sert, ça c'est le hasard. Ça n'aide pas. Play Beyond Grandstand. Tout à fait. Ben voilà. Plébéante. Plébéante. Grandstand. Tree from the Path. Ah bah oui, Tree from the Path. Tree from the... Je connais deux noms. Alors, j'ai pas dû écouter... From the Path. Plébéante Grandstand. Il va falloir que j'aille vérifier, parce que ça me semble vraiment très incongru. Sol Staphyr. Ah là là. Sol Staphyr. Ah là là. Ouais, ça sent la Temple Walter. Ça. Ah, mais en plus, ils ont changé de style sur leur dernier album. Black Rainbows. Eh bien, l'arc-en-ciel noir, comme on dit. Ça me paraît bizarre, ça, Black Rainbows. Écoute, on va aller tout vérifier avant pour être sûr. On commence pas à donner des mauvaises informations à nos auditeurs. Bah ouais. Zeal et Ardor. Ah c'était pas sur moi que tu voulais que ça tombe, ça. Si, mais comme t'as déjà écouté, c'est plus marrant. Bah oui. Non, il y en a surtout un que je voudrais pas que t'aies. C'est quoi ? Sons of Otis. Ah, ça, je suis curieux de savoir ce que c'est. Sons of Otis. J'espère que c'est pas genre les fils d'Otis Redding, parce que ça serait... Oh, j'étais en train d'y penser. The Perfect Circle. On en avait parlé, mais est-ce qu'on l'avait fait ? Je ne sais pas. Il y avait pas. C'était pas plutôt une news ou je sais pas quoi. Non, non, il y avait des news. Non, bah je vais le faire. On l'a pas fait, donc je vais le faire. The Perfect Circle. Je vais me concentrer sur les derniers morceaux. Hop. Il est en train de vérifier le nom des groupes. Genre, j'aurais marqué de la merde. Il m'énerve. Non, c'est pas une question ça. C'est que j'ai l'impression de connaître. Ah bah tiens, je suis content que tu tombes là-dessus. Fenge. Parce que je ne connaissais pas. Donc voilà, donc on va faire une petite vérification en direct. Hein. Tu vérifies les tiens, je vérifie les miens. Bah du coup, j'ai pas vraiment le choix, parce que Black Rainbow, ça, j'ai l'impression de connaître. Bah ouais, non mais là, en plus on peut se permettre, on a un peu de temps. C'est combien ? 1h17. C'est 1h17, c'est déjà bien. Eh bah ouais, je connais. Ah tu connais ? Bah oui. Mais tu connais de quoi ? Bah je connais parce que j'ai écouté. Ah, mais récemment ? Ouais, il y a 2 mois que j'ai découvert ça, je crois. Ah, mais par hasard, en fait. Bah oui, en fait. D'accord. Sans savoir qu'il passait au Hellfest. Ah bah oui, tu regardes pas du tout, d'accord. Ok. Bah non, mais c'est bien, tant mieux. Ah donc, parce que tu te souviens que t'avais aimé ou pas ? Bah ouais, justement. Non, en fait, je voulais tomber sur Rise of the North Star, je te rappelle, c'est tout. De quoi ? Ah oui, d'accord. Bah ouais. Apparemment, toujours pas, hein. Non. Ah oui, Play Beyond Grandstand, ça existe. Hein. C'est quoi l'autre qu'on cherchait ? Bah non, c'est tout. Parce que ouais. Son of Otis, c'est bon. Ah mais lui, il est en train de... Non mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu prépares ta playlist ? Non, je vais faire ma chronique. Bon, d'accord. Parce que tu veux pas que je fasse la playlist ? Ça t'est pas bien, ça, que je fais ? Si, non, mais je regarde, simplement. Oh, ça va, j'aurais de faire le curieux, merde. Non, mais tu peux faire le curieux, mais on est encore à l'antenne, là. Ah, pardon. On est en direct, mec. Excusez-moi. Les gens nous... Ah, pardon. Bon, bah voilà, 1h18, un petit épisode qui ouais. S'assomme toute ma foi plutôt bien. Enfin, pour vous, ça fait 1h18, pour nous, ça doit faire 2h30, 3h. Ou 3h, ouais. Donc, 3h de préparation, sans compter temps, la préparation. Il est 23h30, c'est bien. C'est très bien. Donc, bah, on vous souhaite une bonne semaine. Normalement, nous revenons la semaine prochaine. Oui. Oui, bah oui. Bah oui, oui. Non, pourquoi je... Normalement. Bah, on sait jamais. Ah oui, bah oui. C'est donc, bah, on va vous souhaiter une bonne semaine à vous. As-tu des trucs prévus de particulier toi, cette semaine ? Non. Donc, tout va bien ? Tout va bien. Très bien. Et toi ? Oui. Oh, j'ai vu un film de merde. Ah, ouais ? À bras ouverts. À bras ouverts. Christian Clavier qui accueille des Roms chez lui. Oh, mon Dieu. Pourquoi ? Pourquoi ? Canal Plus gratuit pendant le week-end, ça passait dimanche matin. T'étais pas au cinéma ? Mais non. Je sais bien, j'y ai pensé, moi je voulais y aller, mais bon. On m'a dit, oh, il y a Canal, il y a Canal. Bref. Ok, très bien. Une bonne semaine à tous. Super. N'hésitez pas à nous faire des retours sur ce que vous entendez. Hein. Mm. Toujours, on vous le redit, parce que juste nous, on n'en a toujours pas. Et donc, bah, on a beaucoup de mal à se placer, du coup. Bah, ouais. Donc, on continue à faire notre sauce comme ça, mais si jamais il y a des choses sur lesquelles vous voudrez qu'on appuie ou qu'on fasse, on n'ira pas forcément à changer tout, mais on peut essayer d'en discuter et d'avoir un retour, quoi. Bah, voilà. Ouais. Merci bien, les gens. Ce serait sympa. C'est gentil. Allez, au revoir. Bisous. Ah non, mais c'est pas comme ça qu'on termine. Ah oui, c'est vrai, merde. Bon, alors, on vous aime. Et on vous emmerde. Non, ça va pas. Je... Non, ça va, il y a un truc. C'est ça, mais pas. C'est pas comme ça. Allez, bon, allez, à la semaine prochaine, à bientôt. On vous aime. Non, ça marche pas non plus. Non, mais là, c'était vraiment trop. Ouais, non, c'est pas ça. On aurait dit un fan de Johnny. Oh, t'es Johnny. Bonsoir. Et à la prochaine. Ouais, on vous aime. Bienvenue sur Radio Télérama. Aujourd'hui, on va parler de la musique qu'on appelle le métal et non la sidérurgie. Bon, allez, on se casse. Bonne semaine à tous. Ouais, bien sûr. N'oubliez pas qu'on vous aime et... On vous emmerde. À bientôt, les gents. Salut, bisous. Ciao. T'es quand même vraiment un connard.